Merci d'être ici aujourd'hui. On est ici pour honorer la mémoire de Jean-François. Il y en a qui le connaissaient. Il y en a peut-être qui ne le connaissaient pas et qui sont là pour les proches. Une cinquantaine de personnes sont rassemblées à la place Valois sur la rue Ontario, à un coin de rue à peine de l'endroit où Jean-François Nadreau a été abattu par la police de Montréal un an auparavant. Aujourd'hui, on est toutes là parce qu'on aime quelqu'un qui est touché par cet événement-là. Puis on est toutes touchées indirectement ou directement par ça. Donc, je trouve que c'est une belle façon d'honorer la mémoire de Jean-François. Le texte que j'ai écrit, ça s'appelle « Perdre mon frère ». C'est pas très original, mais c'est ça. Il y a un an, à quelques minutes près, on m'annonçait la mort de mon frère. Le choc est indescriptible. Surtout celui de croire et d'accepter qu'il a été abattu par la police. Comment mon frère, un garçon timide, aimant, ouvert d'esprit, toujours prêt à défendre ceux qu'il aime et un bon père, a pu mourir ainsi. Perdre mon frère, ça a été pour moi comme perdre une partie de mon existence. Il a toujours été là pour moi. C'était mon premier ami. J'ai fait mes premiers mauvais coups avec lui. Mon plus fidèle coloc, ensemble on a ri, angoissé, pleuré. Nos marches sur la rue Ontario me manquent. Les 3 pour 5 $ du marché Maisonneuve. Nos flâneries au village des Valeurs. Les bananes en solde, la fruiterie, fruits du jour. On partageait tellement de souvenirs. On avait plein de petites manies que seulement nous comprenaient. Nos regards complices. Les fêtes d'enfants avec nos guerres de ballons d'eau. Les mauvais coups sans malice à notre père. Un an maintenant, et je ne vais pas bien. Cette perte est dure à surmonter. Je suis angoissé, je pense à lui tous les jours, et il me manque terriblement. J'ai annulé mes cours à l'université car je n'arrive plus à me concentrer. Je fais des crises d'anxiété, j'ai le sommeil troublé. Perdre mon frère m'a rendu handicapé. De la même façon qu'une personne perd une jambe ou un bras, ma vie ne sera plus jamais la même. Je vais devoir apprendre à vivre avec cette peine et cette absence. Une personne qui m'est chère m'a rappelé ces paroles. Beaucoup de gens qui vivent méritent la mort et beaucoup de gens qui sont morts méritent la vie. Pouvez-vous le leur donner? Alors ne soyez pas trop prompt à dispenser mort et jugement. Ces paroles, je les adresse à vous, policiers et policières de Montréal et du Québec. Arrêtez de vous gonfler à bloc avant une intervention. Arrêtez de compter sur votre arme à feu. Je suis conscient des risques de votre métier, mais ces risques font aussi partie celui de prendre une vie. Protégez-vous vous-même. Je ne crois pas qu'on devient policier pour enlever la vie. Protéger et servir, voilà un beau slogan. En protégeant et en servant la population, ne croyez-vous pas que vous vous protégez vous-même? En prévenant les bavures comme celle-ci, vous protégez votre intégrité morale et psychologique. Prendre une vie laisse des traces pour ceux qui restent et pour la personne qui a pris cette vie. Protégez-vous de ces bavures. Demandez de meilleures formations, exigez plus de soutien et surtout n'agissez pas impunément. Apportez de l'aide et pas des balles. Merci. Un an jour pour jour après la mort de son frère Jean-François, Sébastien Nadreau est toujours sous le choc. Ici, j'ai 31 chrysanthèmes blanches. 31, c'est l'âge que Jean-François avait quand il est mort. J'ai un chrysanthème noir aussi pour souligner le premier anniversaire de son décès. Je vais inviter tous mes proches puis les proches de Jean-François à venir chercher un chrysanthème blanc qu'on va déposer devant les lieux où c'est arrivé. Puis je vais laisser l'honneur à mon père de déposer le chrysanthème noir. Comme vous savez, Jean-François, c'est loin d'être la première personne qui perd la vie aux mains de la police. Des membres de la coalition Justice pour les victimes de bavures policières et de la coalition contre la répression et les abus policiers offrent leur témoignage de solidarité. Puis Josiane Millette parle de la mort de Jean-François Nadreau qui est survenue sous ses yeux un an plus tôt. Victime de bavures policières. Je vais maintenant passer le micro à Josiane Millette, la conjointe de Jean-François Nadreau. Bonjour. Je ne sais pas à qui m'adresser personnellement, mais je remercie ceux et celles qui le liront. J'ai peur de l'écrire depuis des jours car je sais que je dois exprimer la réalité et je n'aime pas la réalité. Le 16 février 2012, ce soi-disant forcené était le petit cœur d'une jeune femme de 25 ans ayant une tête sur les épaules et l'ayant choisi pour la beauté de son âme. Ce n'était pas un homme violent ni un drogué. Jean-François avait besoin d'aide. Il était prêt à donner sa chemise à quelqu'un même s'il n'en avait pas. Ce matin-là, je me suis sentie comme un enfant à qui l'on dit « Tu ne retourneras pas à la maison ce soir. Malheureusement, c'est terminé. » Mais quelle horreur ce fut! Quand on est jeune, on est proche de nos parents. Quand on est plus grand, c'est notre amoureux. Il ne sera plus jamais là pour nous. JF était un papa dévoué. JF était toujours présent pour les personnes qu'il aimait. Plus jamais je ne le resserrai dans mes bras. Terminé les dodos en cuillère. Nous savons que tout ça aurait pu être évité, car il fallait baisser la tension, mais elle a été augmentée à un tel niveau que tout fut fini. Je ne vois plus sa fille et on avait un bel attachement. J'en aurai jamais d'enfant avec Jean-François. Je n'ai pas de famille, j'ai tout perdu, même mon appartement. Bien que les murs ne soient pas importants, mais vivre une telle peine sans être chez soi, dans nos propres choses, c'est encore plus horrible. J'étais là quand Jean-François s'est fait abattre, je l'ai vu mort. Ce n'est déjà pas plaisant à vivre, je sais, mais quand on a un lien affectif avec la personne, cette scène d'horreur dépasse ce mot. Ne comprenant pas ce qui se passait, j'ai voulu avoir du réconfort de l'être humain qui se trouvait avec moi. Cette femme policière était sans empathie. Je sais qu'il ne faut pas prendre le mal des autres, mais il y a des limites concernant la compassion humaine. Scène d'horreur, vie changée à jamais. Seul le soir, je dois quand même continuer à me battre pour survivre. La marche prend la rue Ontario en direction ouest, puis s'engage vers le nord dans la rue Nicolet. C'est là, au numéro 2003, que Jean-François Nadreau est décédé, atteint par balle au thorax. La famille et les proches déposent leurs 32 chrysanthèmes à la porte de l'édifice. François Ducanal, un militant de longue date contre la brutalité policière, rappelle les faits. C'était le 16 février 2012. JF était en crise. Il allait vraiment pas bien. Au point où Josiane a appelé le 911 pour avoir de l'aide. Et au lieu d'avoir de l'aide, c'est 5 policiers qui se sont présentés à la porte de l'appartement en avant duquel qu'on se trouve. Et quand que JF a vu les policiers, ça l'a vraiment pas aidé. Ça l'a pas calmé, bien au contraire. Il a pris un genre de machette de collection qu'il avait. C'était pas une arme, c'était vraiment un truc de collection, c'était pas aiguisé. Mais il a pris ça et il est allé vers les policiers en leur disant « Allez-vous-en d'ici ». Puis, les policiers, ça a pris quelques secondes à peine. La seule chose qu'ils ont trouvé à faire, c'est d'ouvrir le feu. Ils ont abattu JF en dedans de quelques secondes. Donc, c'est pour ça qu'on est ici, pour dire que c'est totalement inacceptable que ce soit ça l'aide qu'on reçoit quand on appelle le 911 pour quand on veut du secours, des soins pour un de nos proches. Il faut que les policiers trouvent des autres façons d'intervenir que ça. Puis, même idéalement, il faudrait pas pantoute que ce soit des policiers qui soient appelés à intervenir quand on a affaire à quelqu'un qui a besoin d'aide, parce que d'après ce qu'on voit année après année, les policiers sont peut-être pas les meilleures personnes pour aider les gens. Justice pour JF! Justice pour JF! Justice pour JF! Escortée par des véhicules du SPVM, la marche remonte jusqu'à la rue Hochelaga, puis elle se dirige vers l'est en direction du poste de quartier 23. La mort de Jean-François, c'est pas juste pour la famille ni pour les proches, c'est un problème de société. Il est temps que le gouvernement se réveille. Il est temps qu'on ait une enquête publique sur le fonctionnement du travail des policiers. Il est temps de mettre fin à l'impunité que les policiers peuvent avoir durant leur fonction. Tirer des gens sans aucune conséquence, ça ne devrait pas être permis dans une société civilisée comme la nôtre. Policiers, assassins, gouvernement complice! Policiers, assassins, médias complices! On vient au poste de quartier 23 parce que les proches de JF avaient le goût de remettre des textes à la police pour leur faire comprendre c'est quoi qu'ils ont vécu depuis un an avec la perte de JF aux mains des policiers, et aussi pour lui rendre son humanité qui lui a été volée, pas seulement par les policiers, mais par les médias qui ont couvert l'affaire en traitant JF de toutes sortes de noms, en choisissant des photos de lui qui ne le représentent pas du tout, qui le font passer pour un gars dangereux et est fou, ben c'est justement pour ça que la famille, pour contrer ce salissage médiatique et policier, ont le goût de faire cet arrêt au poste 23. Salissage médiatique. Nous voyons aucunement un geste d'arrogance ou de mépris à votre égard, messieurs les policiers de Montréal. C'est simplement un témoignage pour vous dire ce qu'on vit depuis un an, depuis que cet incident-là est arrivé. Sébastien Nadreau se tient devant l'entrée du poste de police avec une enveloppe entre les mains. Oui. Non, c'est moi qui ai ce responsable aujourd'hui. Je peux vous le remettre oui. À vous. Oui. Puis vous allez le donner à l'intérieur du poste de police. Au camp inspecteur Cahier. Ben, le grand chef. Oui, parfait. Oui. À l'intérieur, il y a une photo de Jean-François, une vraie photo, donc pas celle qu'on a vue dans les médias. Puis il y a un témoignage de ma part, un témoignage aussi de Josiane, qui était la compagne de Jean-François. Donc c'est simplement pour que vous compreniez qui était l'individu, puis la douleur qu'on vit à la perte de Jean-François. Je comprends ça très bien, et puis vous pouvez être sûr que je vais rendre les documents à l'endroit. Merci. Avant de reprendre la marche, la famille et les proches se font l'accolade. On t'aime, JF! On t'aime, JF! On t'aime, JF! On t'aime, JF! Jean-François Nadreau, la marche se dirige ensuite vers le boulevard Pie-9. Arrivé devant la station de métro Pie-9, Sébastien Nadreau prononce quelques mots en guise de conclusion. Ben, je vous remercie vraiment du fond du cœur, tout le monde, d'être ici. Et pour tous les passants qui sont sur le trottoir, qui nous entendent et qui nous regardent, on est ici parce qu'on demande justice, justice pour les bavures policières, les victimes de bavures policières. Je m'appelle Sébastien Nadreau. Toutes les gens ici sont mes proches, mes amis, mon père, ou sont des proches de Josiane Millette-Roger, qui était la compagne de Jean-François. Jean-François a été abattu le 16 février 2012 par la police de Montréal sur la rue Nicolette. Une intervention musclée qui était supposé venir en aide à mon frère. Mon frère était en détresse. Ça s'est terminé par la mort de mon frère. Donc, on est ici pour réclamer justice, réclamer des réponses aussi. Qu'on arrête d'être dans le noir un an, mais on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. On n'a pas de réponse. Il y a eu une enquête interne menée par d'autres policiers, qui est au procureur à Québec. Donc, c'est à suivre. Donc, merci à tous ceux qui sont venus ici aujourd'hui. Merci à tous mes amis proches, ceux que je vois souvent, ceux que je vois moins souvent, mais que je vous aime tout autant. Merci, papa, d'être là. Toi, papa, t'es là tous les jours. T'es là avec moi tout le temps. Puis moi aussi, je vais être là avec toi tout le temps. Donc, merci vraiment tout le monde d'être là. Puis j'espère que notre marche va avoir fait la différence. J'espère qu'il y a des gens qui nous ont entendus, que ça a sonné une cloche dans leur tête, ça a allumé une lumière, que les gens vont arrêter aussi de croire tout ce qui se dit dans les médias et aux gens des médias. Je ne sais pas si c'est des médias de masse ou des médias indépendants, mais je vous fais confiance pour retransmettre fidèlement l'esprit de notre marche. Et merci tout le monde. Et je voudrais remercier aussi David et Josiane pour leur persévérance à chercher justice pour Jean-François. C'est grâce à eux si j'ai décidé de participer à la marche, d'organiser ça avec eux. Puis un merci spécial aussi à François. François qui nous a épaulés, qui a été là. Sans lui, je ne suis pas sûr que tout cet événement-là aurait pu avoir lieu. François qui a donné de son temps bénévolement et généreusement pour nous aider et qui croit à la cause. Merci. Merci Sébastien, puis merci vraiment à vous autres. C'est vraiment, ça fait chaud au cœur de voir que tout le monde est là pour soutenir la famille. Puis on sait que la lutte va être longue, fait que on va vous tenir au courant, puis on compte sur vous autres pour continuer à soutenir la famille dans, aussi longtemps que ça va prendre. Papa, t'as le dernier mot. Es-tu content de ce qui s'est passé aujourd'hui? Oui. Oui. Et Jean-François, il manque beaucoup. Merci tout le monde.